إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Donc Allah dans son souli dit, c'est seulement Shaitan qui vous fait peur par ses alliés. Alors n'ayez pas peur de lui, mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. فمن هنا نرى أن الخوف la peur من الخوف من الله من شروط الإيمان. لأنه قال إن كنتم مؤمنين, si vous êtes croyant. Et cette peur, dans le Qasim al-Aqsam, Akhaznaha fi salast al-usul, de la peur qui est ibadah, aadihi, que tu crains, que tu aies peur d'Allah, de son châtiment, de sa colère. Wa yad'unahu rahaban wa rahaba, anbiya également. Wa ad'u rabbakum khawfan wa tama'a, inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Donc Allah nous ordonne de l'invoquer par convoitise et par peur. Contrairement à ce que les gens disent, ils adorent Allah que pour Allah lui-même, non pas par peur de son châtiment, ni par amour de sa récompense d'ici. Hada kana sabil al-anbiya wal-mursalin. Les anbiya adoraient Allah pour Allah et par peur d'Allah et par amour pour Allah. Donc ça c'est la peur ibadah. Après, il y a la peur sirriya. Yani, le khawf sir. C'est ça qui est shirki. C'est le fait que tu aies peur d'autre que Allah dans une chose que seul Allah peut te faire subir. Tu crains d'une créature qui ne t'atteigne d'un mal que seul Allah peut te faire subir. Par exemple, tu crois qu'une personne, elle est je ne sais où, elle t'entend. Ou c'est ce qui est en toi. Ou réel zalika, ou tu dis un tel importe tes malheurs, réel zalika, kullu hadhihi al-ashya yadkhul fi khawf al-shirk wa fihi al-khawf al-tabi'i, la peur naturelle. La peur naturelle, comme ce qu'on trouve chez l'être humain, qu'il a peur de la mort, qu'il a peur de la maladie, qu'il a peur de différentes choses qui lui portent préjudice, c'est normal. وخرج منها خائفا يترقب كما قال تعالى عن موسى الذي موسى sortit de la ville en ayant peur parce qu'il a su que les coptes le cherchaient pour le tuer. Donc la khawf tabi'iyya ليس فيها معذور. Donc combattre la peur pour Allah azza wa jal est un jihad. Quand on a peur et qu'on fait face à la peur pour une noble cause, tu es récompensé. Donc la peur sur la présence a son utilité. وكذلك عندنا الخوف المحرم, que tu aies peur d'une chose au point de transgresser. Tu aies peur d'une chose au point de transgresser les limites décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le cas de la plupart des musulmans. Ils ont peur que la dunya ne leur échappe. Donc de là, ils tombent dans les péchés pour obtenir la dunya. Par contre, on utilise dans la dunya et pas peur qu'elle leur échappe. Combien font des péchés par peur de leur patron? C'est pas du shirk. Faut pas prendre ces versets-là comme dalil. Là, là c'est une peur qui est muharram. Parce que lui, c'est juste, il désobéit, il l'adore pas, ni rien, il craint pas de lui d'une chose. Il craint de lui d'une chose qu'il peut faire ce patron. Cependant, Shad'an, il se doit de patienter de faire face. Mais lui, il ne veut pas. Comme ces gens, masalem, ces femmes qui se dévoilent pour aller au travail, ou qui se mélangent aux hommes, et autres. D'accord? Elles se dévoilent par peur du regard des gens, par exemple. On dit qu'elles sont des islamistes, comme ils disent. Ou qu'elles sont des femmes soumises, ou je ne sais quoi. Ou qu'elles aient peur de rater quelque chose. Ou également, le fait qu'elles veulent quelque chose. D'accord? Mathalan. Ou akada. Le muslim n'a pas de choses qu'il fait. Regrouper le salawat le soir pour le travail. Pourquoi t'as peur? T'as peur de quoi? De perdre ta paye. De perdre ton travail. Alors que le razak, c'est Allah Azza wa Jal. plus travailles pour lui, il va t'en donner un autre peut-être meilleur encore. Et يقول الله عز وجل يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء, que le shaitan vous promet la pauvreté et il vous appelle aux turpitudes. Il vous promet la peur de shaitan, la pauvreté. والله يعدكم معفرة منه وفضلا, et que Allah vous promet une miséricorde de sa part et une grâce. Allah ne t'a pas promis que tu seras riche, mais que tu auras de sa grâce et de sa miséricorde. Donc les gens, ils obéissent à Shaitan, pourquoi? Par peur de la pauvreté et pour soleil commettre les farchas. Et ils suivent leur plaisir. وَمَا كَنَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَنْ دَعَوْتُكُمْ سُتَجَكُمْ. Il a dit, je n'avais sur vous aucune emprise, à part que je vous ai appelé, mais vous obéis. Donc il n'y a pas raison d'avoir peur de Shaitan. إِنَا كَيْدَ شَيْطَانِ كَنَا دَعِيفَ. Le marque de Shaitan, il est faible, très faible. Cependant, celui qui le suit, qui l'obéit, est encore plus faible. Et encore plus faible. ومن اولياء الشيطان كما قال تعالى وان جعلنا الشياطين اولياء الذين لا يعلمون او الذين لا يؤمنون فان ils ont fait des shayatin, des alliés à ceux qui ne croient pas. Ils sont les alliés des kuffar. Les shayatin sont les alliés des kuffar, des mécréants. وليعذ بالله. Et plus les gens commettent des mukhalafat et plus les shayatin ont, on va dire, une emprise sur eux du fait qu'ils se font obéir.